On m'a parlé d'elle, qu'elle était aussi belle, qu'elle était encore libre, pas vraiment, vraiment libre, puisqu'il y avait un homme parce qu'il faut vivre. Mais la bride était longue et ses nuits agitées, et puis elle est jalouse, celles qui ont épousé un mari trop âgé. Un homme parce qu'il faut vivre. Chacun sa façon de voir. Moi je me souviens d'un soir que je ne pourrai jamais oublier. Chacun sa façon d'être, de voir à sa fenêtre. Chacun son chemin, chacun sa vérité. On m'a dit en souriant qu'elle avait mis longtemps à ne plus parler de moi, mais ce n'était pas vrai, puisqu'il y avait un homme parce qu'il faut vivre, mais un homme qu'il aimait et qu'elle avait gardé. Puis on m'a dit aussi qu'elle m'avait bien menti, mais pas vraiment trompé. Un homme parce qu'il faut vivre. Chacun sa façon de voir. Moi je me souviens d'un soir que je ne pourrai jamais oublier. Chacun sa façon d'être, de voir à sa fenêtre. Chacun son chemin, chacun sa vérité. Chacun sa vérité. Un homme parce qu'il faut vivre, un homme pour se marier et quitter pour toujours sa jeunesse agitée. On s'est aimé très fort, on s'aime sans doute encore, mais on ne peut plus jouer. Chacun sa façon de voir. Moi je me souviens d'un soir que je ne pourrais jamais oublier. De voir à sa fenêtre. Chacun son chemin, chacun sa vérité. Moi je me souviens d'un soir que je ne pourrai jamais oublier. De voir à sa fenêtre. Chacun son chemin, chacun sa vérité. Chacun sa vérité.